8 décembre, on a réservé pour 20h30. Avec maman, on dîne au casino de la presqu'île de Quiberon. C'est le seul restaurant ouvert de la presqu'île de Quiberon. La barmaid a 50 ans, un carré platine, plongeant. Le serveur, un catogan. Avec maman, on dîne au casino. On dîne, elle, la dorade royale entière, moi, la blanquette. Elle me parle de son ami Victor. Les yeux mi-clos, maman parle au casino. Victor. Derrière elle, les machines à sous clignotent. La mère, on ne la voit pas. Au casino, les clients sont gris. As-tu déjà joué aux machines à sous? Non. Jamais. Jamais. Et toi? Jamais. Je sais même pas comment ça fonctionne. Avec maman, on dîne. Maman parle les yeux mi-clos de Victor. De son ami Victor. Il paraît qu'il était bel homme. Derrière elle, les machines à sous clignotent. Rose, bleu, rouge, jaune. Victor, dans la rue, il est tombé. On l'a retrouvé par terre dans le caniveau. Seul. Personne ne savait qui il était. Ce vieux monsieur chinois. C'est l'assistante sociale qui a retrouvé l'immeuble, qui a retrouvé le syndic, qui a retrouvé la proprio, qui a retrouvé maman. Car personne ne savait où il était. Il ne se souvient de personne à part maman. Le fils, la sœur, s'en maman. Qui a sauvé les livres, les grands livres accumulés, les photos de mères lointaines, les objets avant que son appartement soit vidé. On dit débarrassé. On dit débarrassé. Le serveur au catogan me sourit. La blanquette, elle passe mal. Aurais-je dû prendre le ton? Victor, il aime les gâteaux, la littérature française. Il paraît qu'il était bel homme. Avant. Victor, il est à l'EHPAD, il perd la boule, il aime les sucreries, il croit qu'il rentrera chez lui. Victor, il paraît qu'il était bel homme. Victor, il perd la boule, il aime le chocolat, les gâteaux, les sucreries, la littérature française. Il lisait les bulletins à RFI en chinois. Maman écoutait la radio dans la salle de bain. Papa me disait, ne la dérange pas, elle est avec Victor. Je me demandais bien qui il était celui-là, dans la salle de bain, dès le matin, avec maman. On dîne au casino de la presqu'île de Quiberon. Elle me parle de son ami Victor. Elle dit qu'il ne comprend rien, ne se souvient pas. Tout pense qu'il rentrera chez lui. Mais parfois, il répète la vie. Avec maman, on dîne au casino de la presqu'île de Quiberon. Prendrez-vous un dessert? Non. Non. Merci. Ça ira. Ça ira, comme ça.